Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans le cours de l'histoire. Historiens, historiennes, confinés mais mobilisés pour comprendre le moment étrange que nous vivons. L'épidémie ravive les peurs, les angoisses et parfois l'obscurantisme. Mais qu'en est-il des croyances qui nous viennent du passé face aux épidémies entre raison et magie? Demandons son avis au médiéviste Nicolas Veilleparot. Allô? Allô, Nicolas Veilleparot? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes historien, directeur d'études à l'École pratique des hautes études. Vous êtes notamment l'auteur d'un ouvrage intitulé « Les images astrologiques au Moyen-Âge et à la Renaissance, spéculation intellectuelle et pratique magique, 12e-15e siècle ». C'est publié chez Honoré Champion. Dites-nous, Nicolas Veilleparot, quand vous regardez le moment que nous vivons, une grande place est laissée aux scientifiques, ce qui est complètement normal. Et quand nous regardons les épidémies du Moyen-Âge, nous avons en tête une image, un cliché, celui de la superstition de la magie. Il est essentiel de détruire ce cliché. Oui, certainement. Le Moyen-Âge est un peu le miroir inversé de tout ce que l'on considère comme négatif ou obscur. Donc souvent, les contemporains, nos contemporains, mais ça date un peu du 19e siècle, voire du 18e, construisent un Moyen-Âge, bricolent leur Moyen-Âge comme une sorte de miroir déformant de tout ce qu'ils ne veulent pas, de ce qu'ils veulent rejeter. Donc, de ce point de vue, les savoirs sont particulièrement visés par cette déformation, et en particulier la science. Donc, on considère que le Moyen-Âge est forcément l'âge de la déraison, l'âge de la fuite échevelée vers l'irrationnel, dans lequel la science n'aurait pas du tout sa place, et ni la science, ni la médecine. Effectivement, une idée complètement fausse pour ceux qui se penchent sur l'histoire de la médecine ou l'histoire de la science. Oui, d'ailleurs, il suffit de rappeler que les sorcières, en tout cas les bûchers pour les sorcières, ne sont pas un phénomène médiéval, mais plutôt un phénomène moderne. C'est sous Louis XIV que l'on brûle les sorcières. Alors oui, la chasse aux sorcières, ce que les Américains appellent la witchcraft, la chasse à la sorcellerie, witchcraft, pour opposition à la sorcery, est un phénomène qui apparaît dans l'arc alpin dans le deuxième tiers du XVe siècle. Auparavant, il y a des sorcières, des sorciers, comme il y en a dans toutes les sociétés, mais il n'y a pas ce phénomène, cette croyance en l'existence d'une secte qui se réunit et qui chevauche des animaux ou des balais pour comploter contre la chrétienté. Ça, c'est quelque chose, c'est un fantasme qui a été forgé, disons, au premier tiers du 15e, et l'essentiel, chasse aux sorcières, vous l'avez dit, est un phénomène de l'époque moderne. Nicolas Veilleparot, il faut nous expliquer ce qu'est la magie au Moyen-Âge. Nous y appliquons nos représentations, mais ce ne sont sans doute pas celles qu'avaient les gens du Moyen-Âge. Qu'est-ce que la magie du Moyen-Âge? Alors, c'est une bonne question. Évidemment, il y a autant de magie que de points de vue. Le théologien ne vous donnera pas la même définition de la magie que le philosophe de la nature qui voudrait sauver une partie d'entre elles, et bien entendu que le magicien qui la pratique. Néanmoins, je m'étais demandé si on ne pouvait pas donner une définition générale de la magie. Ce serait un phénomène dans lequel l'homme intervient, donc il faut qu'il y ait l'artifice humain, il faut qu'il y ait l'intervention de l'ars, de la technique humaine, et qui produit donc un phénomène étonnant, qui émerveille, qui surprend, et dont la cause demeure cachée. Ça permet, si vous voulez, cette définition large, d'inclure toutes sortes d'aspects de cette magie. Par exemple, la prestidigitation, c'est une forme bénigne de la magie. Après, les forces cachées peuvent être de nature différente. Les théologiens, très hostiles à la magie, vont dire que les forces cachées, ce sont les forces démoniaques, par exemple. Les partisans de la magie naturelle diront que les forces cachées sont les forces naturelles. Donc voilà, je dirais que c'est une opération artificielle produisant un phénomène étonnant dont la cause demeure cachée. En période d'épidémie, au Moyen-Âge, il y a des épidémies, évidemment. La magie peut être appelée. Quelle est cette magie? Pouvez-vous nous dire à quoi ressemble un moment de magie au Moyen-Âge? Elle peut prendre des formes très différentes, en fait. Ah oui, il y a plusieurs types de magie. Disons que, de manière un peu schématique, il faut distinguer ce que l'historien américain Richard Kickefer appelle la tradition commune de la magie, c'est-à-dire cette magie rudimentaire, populaire, faite de charme, de choses qu'on récite, de remèdes de grand-mère, tout ça, d'un côté. D'autre part, la magie savante, c'est-à-dire la magie, une magie élaborée, véhiculée dans les livres et donc accessible à un public lettré, capable de lire le latin. Et donc, cette magie savante a diverses formes. Elle peut être une magie rituelle, fondée sur la conjuration des démons, le fait de commander aux démons de faire telle ou telle chose. Donc, c'est un peu les images que l'on a de la nigromancie avec ces magiciens qui tracent des cercles au sol et qui se protègent des démons qu'ils invoquent, qu'ils essayent de soumettre. Et puis d'autre part, une magie astrale, une magie venant des traductions essentiellement de l'arabe, mais n'étant pas une magie d'origine fondamentalement musulmane, hein, une magie plutôt orientale, peut-être d'origine païenne, fondée sur le culte des astres, donc avec des convocations d'esprits astraux. Notre maison est scellée grâce à une incantation que nous sommes les seuls à connaître. Je vais d'un démon du sommeil. S'il réussit à nous endormir, nous serons à sa merci. Il n'en aura pas l'occasion. Turbus et infernus in terras parunt. Adiuro vos tamen fortis monos! Et voilà comment on attrape un démon. Ça, ce sont des sorcières qui surgissent, la série Sabrina. Dites-nous, Nicolas Veille-Paro, les traditions sont mélangées au Moyen-Âge. Les traditions sont évidemment extrêmement mélangées au Moyen-Âge, mais disons que globalement, la distinction entre une magie populaire de tradition orale ou s'appuyant sur des écrits assez rudimentaires d'un côté, et de l'autre côté, ces manuscrits magiques contenant cette magie savante, je pense qu'on peut retenir cette distinction, en sachant qu'évidemment, la magie en général, n'est pas bien vu des théologiens. Face à tous ces types de magie, il y a le regard de l'Église, essentiel au Moyen-Âge. Et puis la question des sources se pose. Nous savons qu'il y a des sources évidentes, ce sont ces grands manuscrits, ceux sur l'astrologie, ceux sur la lutte contre les démons. Mais pour l'historien, il est plus difficile de trouver des sources sur la magie populaire, non ? Ah, mais c'est une bonne question, puisque évidemment, cette magie populaire n'est pas est rarement véhiculée par sur des supports écrits. Donc, ce sont des témoignages. Je pense, par exemple, à un témoignage que j'ai trouvé dans le registre d'inquisition de l'évêque de Pamiers, Jacques Fournier, au début du XIVe siècle. Et on trouve une accusée, une femme accusée, soupçonnée d'hérésie. Bon, elle est arrêtée pour toute autre chose, mais signale le registre d'inquisition, on a trouvé dans ses affaires un linge avec une tache très suspecte. En fait, on l'interroge et elle explique qu'en fait, ce sont les taches des premières règles de sa fille qu'elle a conservées sur un tissu, ici, et le but est de le faire boire au futur mari de cette jeune femme. Et cela gardera la fidélité du mari. Il se trouve que j'ai retrouvé ce procédé dans un autre document judiciaire d'une autre région. Donc voilà, il me semble que là, on a une pratique traditionnelle, tout à fait de sorcellerie ou de magie tout à fait de base. Voilà. Oui, l'épidémie permet de questionner le rapport de nos ancêtres à la magie et à la raison, à tout ce qui peut permettre d'éviter la maladie. Nicolas Veille-Paro, il faut rappeler que la peste est une surprise au Moyen-Âge. Quand elle apparaît au XIVe siècle, c'est une maladie que l'on avait oubliée. C'est une grande surprise. Oui, une grande surprise, parce qu'en fait, elle avait disparu d'Occident depuis la peste de Justinien, donc qui avait entre le VIe et le VIIIe siècle. Et donc, elle réapparaît en 1348 et c'est un coup de tonnerre, c'est une surprise, une fort mauvaise surprise. Donc, les médecins sont confrontés à un mal qu'ils ont du mal à saisir et on pourrait s'attendre à trouver dans leur traité qu'ils ont laissé en grand nombre, une profusion, une fuite peut-être vers des procédés dérogeant à leur art et à leur science médicale. Or, je me suis rendu compte que ce n'est pas tout à fait le cas. Oui, donc ce n'est pas tout à fait le cas. Les médecins ne se réfugient pas dans la magie, ils restent dans leur art, un art qui vient d'une longue tradition, hein, qui nous conduit à l'Antiquité. Au moment de l'épidémie, il n'y a pas de profusion de théories plus ou moins liées aux sciences occultes ou à la magie, mais les médecins arrivent à demeurer dans la raison, c'est bien ça. Oui, et alors on en a un très bel exemple par l'avis rendu par les médecins parisiens à la demande du roi Philippe VI, juste avant l'arrivée de la peste à Paris, en 1348, où ils font un compte-rendu de tout ce qu'on peut savoir de la peste. Et donc, ils signalent que, selon l'avis des astrologues, la cause première de la peste serait la conjonction des trois planètes supérieures, Mars, Saturne et Jupiter, la conjonction qui s'était produite en 1345, conjonction qui aurait produit une corruption de l'air, et c'est cet air corrompu qui serait donc responsable de l'épidémie. Mais en fait, d'une part, cette causalité est purement naturaliste, et il s'agit de montrer comment, en quelque sorte, cette conjonction planétaire a provoqué une sorte de désastre climatique, je ne sais pas comment le dire en termes modernes, mais enfin une corruption de l'air que l'on respire. Et d'autre part, le médecin, lui, a affaire à la cause proche, c'est-à-dire que cette cause n'est pas démobilisatrice, et donc le médecin va essayer de voir comment, par exemple, en faisant brûler des substances odoriférantes, on va pouvoir rectifier la qualité de l'air pour éviter d'être empoisonné, par exemple. Oui, il y a une vraie réflexion sur l'origine de la maladie et sur la manière de sortir d'une épidémie. Aujourd'hui, bien sûr, nous avons une vision complètement biaisée, vous nous l'avez rappelé, par la lecture que le 19e siècle nous offre du Moyen-Âge. Nicolas Veille-Parot, quel regard portez-vous sur le médecin du Moyen-Âge? Vous dites qu'il y a un défi gigantesque à relever, c'est sûr qu'il n'avait pas les connaissances que nous avons. Est-ce que vous arrivez à regarder ces traités médicaux en allant au-delà de ce qui nous paraît exotique? Ah oui, oui, il faut rentrer dans la logique. Hein. Je crois que c'est fondamental dans la démarche historique. Hein. Les médecins ont de bonnes raisons d'écrire ce qu'ils écrivent. Et je vais même vous dire, puisque à l'origine j'ai travaillé sur les rapports entre science et magie, je peux dire un mot précisément des quelques infiltrations magiques que l'on voit dans les traités sur la peste. En particulier une qui m'avait intéressé, puisque j'avais travaillé sur les sceaux astrologiques, donc sur les talismans. Le talisman astrologique consistait à fabriquer une médaille comportant le plus souvent un signe du zodiaque ou une autre constellation, un moment astrologique intéressant. Et cette médaille était censée capter ainsi le pouvoir des astres qui pouvait après avoir des vertus thérapeutiques. Or, on trouve dans les traités sur la peste, certains, pas non plus extrêmement répandus, mais on le trouve, notamment le sceau du serpentaire. Le serpentaire est l'une des 48 constellations. C'est un homme qui représente un homme qui a un genou fléchi et qui est entouré d'un serpent, et dont la main tient la tête et l'autre main la queue. Et ce talisman du serpentaire est conseillé contre la peste. On pourrait dire, ben voilà, là c'est vraiment la fuite vers l'irrationnel, etc. En fait, il y a une logique étiologique derrière l'emploi de ce talisman, puisque traditionnellement, c'est considéré comme efficace contre les poisons. Donc vous voyez que de l'efficacité contre les poisons, cela a été adapté à la nouvelle situation, c'est-à-dire contre l'air empoisonné, on va utiliser un procédé empirique réputé efficace contre les poisons. Donc, peut-être qu'il s'agit là d'une rationalité minimale, mais on voit qu'il y a eu un raisonnement qui a été fait par ces médecins. C'est-à-dire, on part, n'ayant pas trop de remèdes à proposer ou de moyens à proposer, on regarde ben oui, dans la tradition de la lutte contre les poisons ce qui pourrait être efficace contre le présent poison. Constitue la peste. Les médecins du Moyen-Âge avaient-ils la conscience de ne pas savoir ou bien avaient-ils une certitude de pouvoir comprendre l'ensemble des phénomènes? Vous nous avez donné ces explications, hein, le chaud, le froid, le sec, l'humide. Est-ce qu'il y a une place pour le doute, Nicolas Veille-Parot? Est-ce qu'il y a le regard de l'institution, l'Église évidemment, qui permet d'autres approches de la maladie? Peut-être me posez-vous cette question à propos de la cause divine. Par exemple. Alors, la cause divine, par exemple, dans l'avis rendu par les médecins parisiens en 1348, elle n'est pas vraiment évoquée. Hein. Elle est signalée comme ça dans le corps du texte. Hein. Il dit que, alors je le lis dans la traduction de, que j'ai trouvée dans le livre de Daniel Jacquard, un grand historien de la médecine médiévale. Il dit « En outre, nous ne pouvons pas passer sous silence que quand l'épidémie procède de la volonté divine, en ce cas, il n'est d'autre conseil que de recourir humblement à elle, cependant sans délaisser le conseil du médecin. En effet, le Très-Haut a créé sur la terre la médecine. Ainsi, Dieu seul guérit les malades, lui qui, dans sa générosité, a produit la médecine. Béni soit Dieu glorieux et Très-Haut, qui ne cessant d'apporter son aide, a expliqué à ceux qui ont peur la sûre doctrine du traitement. » Comme le dit fort justement Daniel Jacquard, c'est à la fois une manière d'invoquer la possible cause divine, mais en même temps, vous voyez que la médecine reprend tout à fait ses droits. Alors, il est vrai que Daniel Jacquard a remarqué qu'au XVe siècle, la cause divine, le châtiment divin est plus souvent invoqué au XIVe siècle. C'est une cause lointaine, peut-être, mais enfin, c'est pas quelque chose de très très présent dans les écrits des médecins. Nous parlons d'évolution du rapport à l'épidémie selon le regard du médecin. Nicolas Veille-Parot, la fin du Moyen-Âge est fixée de manière arbitraire en 1492, mais c'est pas cette année-là que les choses changent dans les mentalités, hein. Tous ces phénomènes durent très longtemps. Est-ce que, quand vous portez un regard sur le temps long, vous voyez ressurgir des résonances sur ces infiltrations entre la science et la magie, en tout cas dans la construction intellectuelle qui permet l'analyse? C'est une vaste question. Disons que la question de l'explication, de la rivalité entre le remède qu'on ne peut pas expliquer qui serait utile Bon, c'est quelque chose qui s'est posé en ce moment. Alors là, je sors de mon domaine de compétence, mais je lisais récemment un entretien accordé par le professeur Raouf au Figaro, et il disait après tout, on a l'Académie a condamné des médecines comme l'homéopathie, l'acupuncture, mais si c'est efficace. Moi, je donnerais même du placebo, disait-il. C'était un peu risqué de sa part, parce que c'est au moment où il essaye au contraire de promouvoir un nouveau médicament. Mais alors, cela renvoyait évidemment à des débats immémoriaux entre le procédé empirique, dont on assure qu'il est efficace, et puis les médicaments peuvent s'appuyer sur une étiologie précise. Nicolas Vaiparo, merci beaucoup. Alors nous savons que nos ancêtres avaient des réactions qui ressemblent souvent aux nôtres face à l'épidémie. Il y a ceux, s'ils le peuvent, qui quittent la ville, d'autres qui s'enferment. Et puis, il y a un regard différent porté sur le voisin. Nous voyons aussi que c'est le cas pour les médecins. Il y a des similitudes. Je retiens de ce que vous nous avez dit. La raison est essentielle au Moyen-Âge, contrairement aux idées reçues. Merci beaucoup à vous. C'est Michael, merci. Bonne journée. Retrouvez le cours de l'histoire par Xavier Mauduit tous les matins de la semaine à 9h05 sur France Culture.